Je veux du calme. Je veux du calme. Que cesse la folle ronde du monde. Je veux du calme. Je veux du calme. Que le silence se glisse dans tous les interstices. La nuit s'étend lentement. Les dernières rumeurs du jour tournent court. Puis vient l'heure des ombres, des pensées sans nombre. Quand se mêle l'indicible et le possible. Mais le temps se fige, et pour quelques instants s'impose le vertige du présent. Les questions existentielles côtoient les triviales, profondes et superficielles, sans tout inviter au bal, sans tout inviter au bal. Je veux du calme, je veux du calme. Partir vers un ailleurs intérieur. Je veux du calme. Je veux du calme. Le silence est d'or. Alors dors. Sans rien dire. À peine un sourire. Pas un mot. S'abandonner, se laisser glisser, juste un regard avant le noir. Et le temps se fige, et pour quelques instants s'impose le vertige du présent. Les questions existentielles reléguées à plus tard. Seul avec le ciel et le son de la guitare. Et le son de la guitare. Je veux du calme. Je veux du calme. Mais quel lourd silence. Quel lourd silence. Je veux du calme. Je veux du calme. Quel lourd silence que celui de toi.